Mosaïque. Bonjour ou bonsoir chers auditeurs ou auditrices selon le lieu d'où vous nous écoutez. Bienvenue à cette émission Mosaïque. Dans cette émission, nous allons échanger avec nos invités sur le rendez-vous manqué de la facilitation à aboutir à un accord entre les protagonistes dans le conflit burundais avec la fin du mois de juin et les perspectives d'avenir après l'annonce de la reprise du dialogue par le bureau du facilitateur. En effet, depuis avril 2015, le Burundi est dans une crise née autour d'un autre mandat du président de la République, Pierre Nkurunziza. Pour régler ce conflit, la communauté des pays de l'Afrique de l'Est a pris les choses en main et a institué un dialogue extérieur qui se voulait inclusif. D'abord piloté par le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, l'EAC a nommé peu après l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa pour assister le président ougandais. Dans sa mission de faciliter la recherche de la solution au conflit burundais, Benjamin Mkapa est venu au Burundi en décembre 2016 pour rencontrer les belligérants dans la crise qui sont à l'intérieur du pays. Au terme de sa visite, il a promis un accord à la fin du premier semestre de l'année 2017. Une promesse non tenue. Cependant, le bureau de la facilitation a annoncé en début de ce mois de juillet que le facilitateur compte accélérer le dialogue extérieur. Alors, ici, il y a lieu de se demander pourquoi ce rendez-vous n'a pas été respecté. Est-ce qu'on peut qualifier cela d'échec de la facilitation? Quelles sont les conséquences de ce rendez-vous manqué? Est-ce que la reprise du dialogue annoncé au courant de ce mois de juillet suscite un peu d'espoir? Y a-t-il des chances d'aboutir à un accord tant attendu et comment? C'est autour de ces questions que nous allons, dans Mosaïque, échanger avec nos invités. Dans ce débat, nous avons invité l'assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur, Terence Nahira Aja. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers invités. Nous avons également invité sur ce plateau Léon Senghi Ndakoumana, vice-président du parti Sawanya Fodebu. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Je vous remercie également de m'avoir invité à cette émission. Nous avons aussi invité Abel Gachati, il est président du parti IPRONA. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous remercie d'avoir songé à moi dans cette émission. Et nous avons en fait invité Faustin Dikoumana, qui est président de l'association PARSEM, qui a appelé les Burundais à changer de mentalité, à qui nous souhaitons également bienvenue. Merci de nous avoir invités. Sans tarder, nous entrons dans le vif du sujet. La première question est adressée à monsieur le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut qualifier le rendez-vous manqué de juin d'échec de la facilitation ou bien la responsabilité est partagée avec les protagonistes dans le conflit burundais, monsieur Nahiraj? Merci beaucoup de poser la question. À mon avis, je ne pourrais pas parler d'échec. Je pense plutôt que la facilitation a essayé de faire un travail, un beau travail, je dirais. Mais à un moment donné, il a connu peut-être quelques obstacles qui dépendent soit de certains protagonistes, mais aussi de la facilitation elle-même. Et pourquoi, en fait, comme vous l'avez réalisé, depuis son travail, il a fait des contacts avec les politiciens qui sont à l'extérieur, qui sont à l'intérieur. Il a aussi l'occasion d'envoyer des envoyés spéciaux à Bujumbura qui ont essayé de suivre de près ce qui se passait au niveau du dialogue inter-burundais. Et c'est qu'il avait eu beaucoup de rapports. Après tous ces contacts, il a fait une descente à Bujumbura le 17 au 9 décembre 2016, comme vous l'avez réalisé effectivement. Et après sa visite, le dernier jour du 9 justement décembre 2016, il a sorti une déclaration qui contenait beaucoup d'éléments très pertinents justement par rapport à la question qui faisait l'objet du conflit entre les politiciens burundais concernant justement ce que vous avez appelé troisième mandat, que les autres appellent bien entendu deuxième mandat. Effectivement, c'était un problème lié à l'interprétation de l'article en assise de la Constitution de la République du Burundi, qui d'ailleurs, dont la question a été portée devant la Cour constitutionnelle qui s'est prononcée, mais également même la Cour de l'EAC qui a donné sa lumière, mais qui malheureusement continue à pousser des remous parce que certains politiciens veulent interpréter cette loi selon leur volonté. Eh bien, alors, dans sa déclaration, il a bien précisé que le gouvernement burundais est légitime. Il a reconnu que les élections qui ont eu lieu sont des élections légitimes. Il est revenu même sur la Cour de l'EAC qui avait tranché. Et il a même promis le même jour qu'un jour, comme vous l'avez dit, il aura peut-être fait aboutir à un accord, comme il avait dit. Mais malheureusement, pas du tout. Et pourquoi, en fait, comme vous le dites, qu'est-ce qui l'a empêché, justement, à mon avis, je vous ai parlé des personnalités. Il y a d'abord au niveau de la facilitation elle-même, il y a un problème. Et pourquoi? Vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait déjà, s'était déjà prononcé sur sa contribution sur le dialogue entre les Burundais. Ils avaient été clairs que toutes les personnes qui acquittent de la violation, alors qu'il a ce qui voulait faire le coup d'État du 13 mai 2015, que ces personnes-là doivent être recherchées par la justice, et que par la COSCA, ils ne peuvent pas participer justement au dialogue, mais malheureusement, justement, et à un moment donné, le facilitateur les a invités ces derniers jours, comme vous l'avez vu. Comme ça, il a violé les deux résolutions, les 2248 et 2279. Il a également violé la loi régissant les partis politiques en donnant des noms à des partis politiques qui n'existaient pas sur l'invitation, ce qui avait posé problème. Et de surcroît, cela s'est manifesté dans son rapport qu'il a présenté devant le chef d'État de l'EAC lors du 18e sommet de ce chef d'État, justement, qui s'était tenu à Dar es Salaam. Il avait dit que la révision de la Constitution et de la souveraineté du pays à l'Europe internationale. Il a dit que c'est l'affaire des Burundais eux-mêmes. Mais dans le rapport, après avoir subi la pression des Européens qui, bien entendu, le financent, il est revenu, donc il a changé de langage. Il a dit que rien ne va au Burundi. Ça, ce n'est pas vrai. C'est dans le rapport. Il a dit que la crise burundaise a commencé depuis 2015. C'est faux et archi-faux. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que, en fait, c'est un langage qui était prononcé par les putschistes du 13 mai 2015. Donc, là, alors, il a eu des problèmes et cela peut entraver le processus. Donc, à vous entendre, le facilitateur est à l'origine de l'échec pour aboutir à un accord avec la fin du mois de juin. Effectivement, mais les éléments, la cause de cet échec, justement, émane de la facilitation elle-même, comme je le dis. Mais nous remercions le médiateur Museveni, qui a prononcé un beau discours sur le Burundi, malgré les quelques irrégularités et mensonges qui contenaient dans son rapport. C'est que lui-même, il a vu qu'il s'agit d'un rapport biaisé, en fait. C'est pourquoi, en fait, ici, cela a causé un problème, justement, le problème des invités dans le dialogue entre les Burundais. Alors, il fallait consulter les résolutions dont vous avez parlé et la loi burundaise également. Et est-ce que, monsieur le porte-parole du ministère de l'Intérieur, est-ce que le gouvernement burundais n'aurait pas mis les bâtons dans les roues de la facilitation en ne répondant pas présent au rendez-vous qui avait été fixé le 19 février 2017. Le gouvernement a toujours répondu, mais au moment où le facilitateur avait violé les 10 résolutions dont je vous ai parlé, mais aussi la loi régissant la partie politique au Burundi. Merci Terence Nahida Aja. La même question est posée au vice-président du parti Savoigna Frodebou. La question est de savoir, est-ce qu'on peut qualifier le rendez-vous manqué de juin d'échec de la facilitation ou bien la responsabilité est partagée avec les protagonistes dans le conflit burundais? Moi, je peux parler d'échec. Comme il a dit, le processus a des difficultés. Ce n'est pas un échec. Nous avons assisté à plusieurs cas de négociation dans ce pays, depuis les années 93 jusqu'aujourd'hui même. Donc, ce sont des processus plus ou moins compliqués, qui ont des hauts et des bas. Maintenant, on peut dire qu'à un certain moment, on a connu des bas. Alors, je dois dire que cela découle du fait que nous, les Burundais, nous sommes très compliqués. Nous ne sommes pas clairs. C'est ce que nous voulons, ce que nous cherchons. D'ailleurs, à un certain moment, il y a un diplomate qui est venu plusieurs fois au Burundi. À un certain moment, il m'a appelé de Kampala. Il m'a dit que finalement, les Burundais sont des agneaux dans des pots de loup. Y compris les renseignants d'Akuma, non? Bon, il a parlé des Burundais, probablement. Il a dit que nous sommes des agneaux dans des pots de loup. On parle bien des gens, mais quand tu vois les Burundais à Arusha ou à Kayanza ou ailleurs, tu ne peux pas t'imaginer en seul instant qu'ils ne peuvent pas se mettre ensemble et discuter un problème et lui trouver des compromis. Tu ne peux pas penser à cela, mais c'est une réalité. Donc, je dis, le facilitateur quand même a déjà fait des progrès. Il a reconnu aussi, sauf que par après, j'ai eu l'impression qu'ils veulent le mettre en cause. Le facilitateur. L'important et l'essentiel ici, c'est qu'il reconnaît quand même que le médiateur, qui est en même temps aujourd'hui président de l'East African Community, est en bon terme avec le gouvernement. Et il est au-dessus du facilitateur. S'il y a quelque cas de dérapage pour le facilitateur, il va redresser. C'est ça qui est très important. Je pense alors que maintenant, ils vont répondre rapidement au prochain round de ces négociations. Pourquoi? Parce que le Burundi est en crise. Crise politique et institutionnelle. Crise sécuritaire, crise économique, crise sociale. Nous sommes confrontés à une crise. Nous avons une économie en ruine. Est-ce que vous n'exagérez pas, monsieur Léon, c'est quand vous dites que le pays est en ruine, est-ce que c'est partout dans l'économie, je dis l'économie du pays. Les experts en économie nous disent que le taux de croissance économique du Burundi est en dessous de zéro. À zéro, c'est l'arrêt déjà. Imaginez-vous en bas. Ce sont des rapports biaisés qui ne sont pas eux. Non, ça. Mais c'est oui. Le gouvernement a produit des contre-rapports sur ça. Bien sûr, en témoigne les rapports des réalisations. Je parlais du taux de croissance économique. J'ai des cas précis. Si on regarde maintenant le rapport du facilitateur au chef de la région récemment, si on regarde le communiqué du facilitateur, si on écoute dans les médias les différentes positions des différents acteurs, y compris le gouvernement, je pense que nous allons cheminer rapidement vers un accord pour mettre un terme à ces souffrances et négocier ensuite comment instaurer un état de droit dans ce pays, comment instaurer un état démocratique dans ce pays, comment instaurer une société juste et équitable dans ce pays pour construire un Burundi digne, un Burundi uni et réconcilié qui nous protège tous et que nous nous engageons à protéger aussi. Qui évite toutes les formes d'exclusion. Alors maintenant, nous avons déjà fait quand même l'état des lieux sur comment négocier. On a été à Arusha pendant 3 fois, on a été à Kambara. Je pense qu'on a déjà fait l'état des lieux. Nous avons même un agenda. Aujourd'hui, c'est aborder rapidement la phase de négociation et conclure un accord rapidement. Un mois, 2 mois, ça peut suffire pour essayer quand même de redonner l'espoir au peuple burundais. Le peuple burundais a besoin de la paix. Le peuple burundais a besoin de la réconciliation de la cohabitation pacifique. Donc, selon le parti Sahonia Frodebou, il n'y a pas d'échec. On a déjà avancé sur certains points. Oui, puisque nous avons déjà un agenda. Maintenant, il y a un débat sur ce qui doit négocier cet agenda. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui se développent, pour nous, nous ne voyons pas une partie qui peut être exclue. Dans la mesure où on devra négocier en bloc, si on veut aller rapidement, en bloc proche du gouvernement et en bloc proche de l'opposition. Donc, d'ailleurs, dans toutes les démocraties du monde, il y a un gouvernement et son opposition. S'il y a un problème politique, ça se négocie entre les deux. Maintenant, il y a un problème qui est lié à la négation de l'accord d'Arusha et de la Constitution, matérialisé par le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Alors, tous ceux qui sont pour cette violation vont se mettre d'un côté. Tous ceux qui sont contre, qui pensent qu'il n'y a pas eu de violation, vont se mettre d'un côté. Évidemment, au Burundi, nous avons des spécialistes. Il y a des politiciens qui vous disent, nous ne sommes pas avec le gouvernement, nous ne sommes pas dans l'opposition, on est au centre. Ils nous disent même qu'ils sont dans la société civile. Ils disent qu'ils sont au centre. C'est bizarre. C'est bizarre. Et est-ce que Léon Senghendakoumana, vous dites que le facilitateur a bien travaillé au moment où le représentant du gouvernement dans ce débat dit qu'il se contredit, il serait même manipulé. Est-ce que le facilitateur ne serait pas du côté de l'opposition? Vous pensez que le président Mukapa est à manipulé facilement? Même les Tanzaniens nous ont dit que c'est très difficile de le manipuler. Ils nous l'ont dit. Bon, puisqu'il a dit que l'accord d'Arusha et la constitution sont des fondements de la paix et de la sécurité au Burundi, sont des fondements de la démocratie et de la bonne gouvernance, sont des fondements de la cohésion du unité nationale. Est-ce que pour ça, il a trahi? C'est plutôt le gouvernement burundais qui est pour ça. Si vous êtes pour ça, moi je ne comprends pas les raisons de cette crise. C'est ce qui a été empêché de violer son appareil. S'il dit qu'on ne peut pas, s'il dit que pour amender la constitution, pour amender cette constitution, qu'il faut d'abord qu'il y ait une négociation entre les acteurs politiques burundais. C'est écrit où dans la constitution de la République du Burundi? Mais bien sûr. Laissez-le terminer. On doit d'abord discuter sur le. La constitution est même définie la comment elle peut être Burundi, retouchée ce n'est pas à ces articles dont je vous ai parlé. C'est un contrat social s'il vous plaît, la qui question... émane de l'accord d'Arusha. C'est l'accord d'Arusha. La question que nous avons s'il vous plaît, définie question... elle-même comment elle peut être amendée. La question ici, ce n'est pas l'amendement de la Constitution. C'est ce qui est en train d'être respecté. Oui, voilà. C'est ça. La question n'est pas ici l'amendement de la Constitution. C'est d'évaluer si les prestations du facilitateur auraient abouti à un échec ou bien ça peut être relancé et aboutir à quelque chose. Pour nous, c'est un succès parce qu'il a même projeté un prochain round. Ça veut dire que ce qui reproche, ça, d'ailleurs, dans les négociations, ça se passe toujours ainsi. Il y a des cas où même le facilitateur, on doit le redresser, l'aider, l'appuyer. Merci à Léon Senghendakoumana. C'est toujours la même question sur la table. Est-ce qu'on peut qualifier le rendez-vous manqué de juin d'échec de la facilitation ou bien la responsabilité est partagée? Monsieur le président du parti IPRONA, Abel Gachat. Merci. Je pense que la facilitation a travaillé. Il a travaillé, mais comme les autres l'ont dit, nous les Burundais, nous sommes compliqués. Y compris à Bérégachat. Y compris moi. Oui, il faut oser le dire. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux-là qui sont compliqués. Oui, Léon, c'est moi non plus. Et les autres. Okay. Bon, la facilitation, quand même, a réalisé beaucoup de choses. D'abord, la facilitation a invité les politiciens, y compris moi, à 3-4 reprises. On était à Arusha. La facilitation a envoyé ses représentants ici à Bujumbura pour rencontrer ceux qui n'ont pas eu la chance d'être écoutés à Arusha. Et le facilitateur lui-même, son excellence Mukapa, est venu à Bujumbura pour s'enquérir de la situation qui prévalait ici au Burundi. Après sa visite, il a animé une conférence de presse. Mais ce qui nous a fort étonnés, c'est qu'après, ce qu'il a dit ici à Bujumbura, après avoir arrivé là-bas, il a changé. Comme son diplomate. Voilà. Alors, il a constaté qu'il moi je pense qu'ils ont fait grand chose. Le fait de mettre ensemble tout le monde, le fait que la délégation de Bujumbura se mette ensemble avec celle venue de l'Europe, ça c'est tant pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps d'écouter les représentants des partis politiques, mais il y a un autre temps où les protagonistes se rencontrent autour d'un verre la nuit et changent. Laurent, c'est lorsque le sait bien, des fois on passe la nuit en train d'échanger si c'est ce qu'il fallait faire pour faire sortir le pays de cette crise-là. Alors, pour dire que ce travail réalisé par la facilitation, ça c'est un grand pas. Et dire que le 30 juillet il allait conclure, moi je n'y croyais pas. Mais c'est ce qu'il avait promis. C'est ce qu'il avait promis, mais moi je n'y croyais pas. Pourquoi? Parce que les trois fois que nous nous sommes rendus à Arusha, ils n'ont mené que des consultations. Est-ce que le fait de ne pas y croire, vous n'auriez pas contribué à ce que ce rendez-vous ne soit pas tenu? Non, le parti prenant a beaucoup contribué pour que ce processus aille de l'avant. Aux questions que la facilitation nous a adressées, nous avons donné des propositions, des réponses allant dans le sens de faire sortir notre pays de la crise. Et la position du parti prenant est connue et la facilitation a réussi cette position et je pense que même pour la suite, la facilitation va se servir de cette position pour faire avancer les choses. C'est pourquoi d'ailleurs, dire qu'il allait conclure le dialogue au mois de juin, moi je pense que ce qui est important, c'est les conclusions qui vont sortir de ce dialogue, c'est pas l'échéance et les dates. Et il peut même travailler jusqu'à la fin de l'année et surtout sortir des conclusions qui vont aider le Burundi à sortir de cette crise et surtout préparer les élections de 2020 en toute tranquillité. Merci Monsieur le Président du parti IPRONA. Monsieur Faustin Dikoumana, vous êtes de la société civile, vous l'avez entendu. Le gouvernement dit que c'est un échec total. C'est pas des total. En première étape, il a très bien travaillé. Quand il est venu au Burundi, mais la deuxième étape, il a eu des difficultés. Mais il serait l'échec du non-aboutissement à cet accord-là. Quand vous faites un objectif et ne pas l'aboutir quelque part, c'est que combien de pourcentage pourriez-vous te donner à ce moment? Monsieur Faustin Dikoumana, au niveau de la société civile, qu'est-ce que vous en dites? Bon, d'abord, au niveau de la société civile, bon, à notre niveau, nous soutenons le médiateur. C'est un homme sage, expérimenté, un ancien chef d'État qui connaît la réalité burundaise, qui a participé longuement dans les premières négociations, au moment de décrocher de négocier l'accord d'Arusha, nous avons confiance. Deux, je m'étonne quand je vois le comportement de nos hommes politiques, de la classe politique. Au mois de décembre, il a fait un discours. Le lendemain, l'opposition récusait le médiateur. Et le pouvoir et ses proches jubilés. Après une certaine période, on a constaté l'inverse. Le gouvernement disait le médiateur est trébuche. Et l'opposition disait le médiateur est en bonne voie. Tout cela, c'est justement, ça montre comment ce comportement devrait changer parce qu'on dirait que chacun attend pour écouter, pour entendre un message de la bouche du médiateur pour acclamer, pour jubiler. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que le médiateur quand même a pu organiser différentes consultations et aboutir aux questions essentielles qui doivent être débattues. Ça veut dire qu'il a saisi le mal burundais actuellement. Les questions essentielles qui doivent être débattues justement pour trouver solution. Il a parlé des questions de liberté publique, de démocratie, élection. Deux, il y a la place de l'accord d'Arusha et de la constitution. Ça, c'est fondamental. Au niveau de la société civile, nous sommes satisfaits. Trois, il a parlé des questions de sécurité et des droits de l'homme, préalable même au retour effectif des réfugiés. Ça, nous sommes satisfaits. Il a parlé, enfin, des questions économiques. Avoir l'état de la situation socio-économique de notre pays. Nous qui suivons ces questions, nous comprenons l'importance des questions économiques. Parce qu'après tout, un gouvernement aussi doit veiller à l'amélioration du bien-être de ses citoyens. La lutte contre la pauvreté, l'amélioration du bien-être des citoyens, c'est le devoir de tout gouvernement. Alors, on voit quand même que les implications de la crise constituent une entrave à ce que cette amélioration tienne lieu aujourd'hui. Alors, nous disons qu'il faut plutôt avancer pour que ces questions soient vitées. Mais contrairement à ce qu'ils disent au niveau des problèmes liés à ceux qui doivent participer à ces pourparlers, nous disons qu'on ne peut pas compliquer les choses ici et là. Il y a des Burundais qui peuvent participer dans ces négociations. Est-ce que Parsem soutient que les putschistes participent au dialogue? Même si les putschistes ne participent pas au dialogue, il y a des Burundais ici, de l'opposition et du pouvoir, qui peuvent participer dans ces négociations. Même ces questions pourraient être même traitées parce que ça trouverait solution si on débattait sur ces questions. Ça trouverait solution à la stabilité du pays. Parce que ce qui importe aujourd'hui, c'est retrouver la stabilité et la cohésion. Même ces questions, histoire des politiques, c'est de quoi, pour retrouver solution dans l'avenir. Parce que ces questions déblaient directement. Et quant au processus qui doit rentrer au Burundi, je dois dire qu'une fois la cohésion est retrouvée à Arusha entre Burundais, toutes les autres questions de gouvernance, de service du gouvernement, peuvent être débattues à l'intérieur. Mais à Arusha, on nous aide à recouvrir la cohésion. Votre intervention, Faustin Dikoumana, nous fait arriver à la deuxième question. Est-ce que le fait de ne pas avoir abouti à cet accord promis, est-ce que c'était un handicap ou bien c'était un atout pour la suite du dialogue? Encore une fois, Faustin Dikoumana. Bon, vous savez, un processus de paix entre partenaires politiques, ce n'est pas ici au Burundi aussi. Ça évolue des fois en dinde aussi. Il y a des hauts et des bas. L'essentiel, c'est de tenir la ligne, de continuer, d'essayer de faire tous les efforts pour faire avancer le processus. Ce n'est pas ici au Burundi où il y a des pourparlers qui foirent aujourd'hui, mais qui sont organisés le lendemain. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a négocié, Marcoussi, on a fait, mais quand même, le pays a retrouvé la stabilité plus tard. Je dois dire que l'essentiel, c'est de tenir la ligne et de convaincre nos hommes politiques que l'essentiel, c'est de retrouver la cohésion. Et surtout au gouvernement. Si le gouvernement a pu rétablir plus ou moins la sécurité à l'intérieur du pays, il faut retrouver alors cette paix de cœur, cette cohésion, parce que la sécurité et la paix diffèrent. Donc, le gouvernement a le devoir d'aller à Arusha pour justement reconstituer cette cohésion nationale que le Burundi a besoin aujourd'hui. Donc, le fait que l'OTAN apparemment est prolongé, donc selon Parsem, c'est un atout. Ce ne constitue pas, en tout cas, aussi à une entrave. L'essentiel, c'est d'avancer avec des acquis à chaque étape qui permettent à faire des pas de géant dans l'étape suivante. Monsieur Abel Gachati, président du parti IPRONA, le fait de ne pas avoir abouti à un accord autant fixé, c'est un atout ou bien c'est une entrave? Ok. Moi, je pense que le fait de ne pas avoir cet accord autant voulu, et je ne dirais pas que c'est un atout, mais ça va permettre au bureau de la facilitation, ça va permettre aux politiciens burundis de se ressaisir et surtout de voir que le problème que notre pays connaît aujourd'hui, c'est un problème qui nous concerne, qui ne concerne pas le bureau de la facilitation. C'est-à-dire, nous, les politiciens, les gouvernements, les représentants des partis politiques, la société civile, nous devons essayer de voir comment le Burundi ne devrait pas vivre toujours dans des dossiers, des cas de négociation. Et les politiciens burundis ont fournit beaucoup d'efforts pour que l'accord d'Arusha soit signé en 2000. Aujourd'hui, il faut plutôt avancer et surtout songer au développement de notre pays. C'est pourquoi nous, les politiciens, devons quand même faire un effort pour que quand même je dis, un accord ou bien une feuille de route qui nous mène aux élections de 2020 soit entendue par nous tous. Et surtout, songer au développement de notre pays, songer à la stabilisation de notre pays, songer à l'avenir de notre pays. Mm-hmm. C'est pourquoi la facilitation n'a pas connu un échec. Plutôt, elle va relancer le travail. Peut-être la facilitation a compris. Elle a déjà compris le problème de notre pays. Elle a déjà écouté les partenaires politiques. Elle a reçu les propositions des uns des autres. Avec tout ce qu'elle a eu, elle va quand même essayer de formuler des conclusions, bien sûr, en collaboration avec les partenaires pour faire avancer le Burundi. Abel Gachassi, président de l'IPRONA, dit que les Burundais ont fourni beaucoup d'efforts pour aboutir à un accord d'Arusha en 2000. Est-ce que les politiciens ne fourniraient pas beaucoup d'efforts aussi à retomber dans des crises? Bon, les politiciens, vous savez, le peuple a son histoire, a son temps. Il y a, vous voyez, en 2005, nous avons signé un accord en 2000. En 2005, il y a eu organisation des élections. Ce qu'il faut reconnaître, il faut dire que notre pays, les Burundis, nous sommes des spécialistes. En 2005, nous avons participé aux élections, mais il y a ceux qui combattaient l'organisation de ces élections. Il y a le mouvement armé, Gwagasa Gato, qui était encore dans le maquis. Et il y a nos amis de l'IPRONA. À cette époque-là, ils se trouvaient chez Mukasi. Nous avons participé aux élections et ils ont empêché certains Badasigana d'aller voter. En 2010, c'est la même chose. 2015, c'était le pire. Pour dire que nous devons reconnaître quand même que la démocratie au Burundi, le processus électoral au Burundi est devenu incontournable. Personne ne peut l'empêcher. C'est pourquoi les pourparlers en cours aujourd'hui devraient quand même se comprendre pour tout le monde et surtout essayer de stabiliser ce processus, surtout renforcer l'organisation des élections de 2020. Il devrait retenir l'attention de tous les politiciens burundais pour que le Burundi ne retourne pas en arrière en matière de démocratie, en matière d'organisation des élections. Monsieur le vice-président du parti Savanya Frodebou, le rendez-vous manqué à tout ou entrave du dialogue? D'abord, ce n'est pas un rendez-vous manqué. Dans la recherche scientifique, un résultat négatif n'est pas toujours un échec. Ne suffit pas un échec. Ça vous permet, comme il le disait, de bien réfléchir, de bien approfondir. Donc c'était un atout. Ça peut être un atout. De faire une introspection. Pourquoi d'abord est-ce qu'il a dit ça? Il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'il avait dit ça. Il a dit, Faustin, un ancien chef d'État tanzanien, un pays qui connaît en profondeur le Burundi depuis l'indépendance, un président qui était vice-président de l'initiative régionale pour la paix au Burundi lorsque nous avons négocié et signé l'accord d'Arusha. Tous les accords de cessez-le-feu ont été signés là-bas. Alors, ça veut dire qu'il a beaucoup d'atouts. Il a beaucoup d'atouts. Alors maintenant, lui, il a pensé que les Burundais étaient effectivement indépendants et souverains. Que nous sommes réellement indépendants et souverains. Ça veut dire penser à régler tous nos conflits, nous-mêmes. Il ne faut pas trop compter sur lui. Deux, lui, il savait que nous avons des atouts, des acquis. L'accord d'Arusha, la constitution. Avec d'autres programmes qui ont été développés, il les a dit, le CCLP, la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté, et beaucoup d'autres lois. Lui, il pensait aussi que nous sommes conscients de la gravité de la crise actuelle. Il pensait que nous sommes conscients de la gravité actuelle. Alors il a pensé que, il pensait aussi qu'on devrait mettre en avant l'intérêt national par rapport à nos intérêts égoïstes. C'est ce qu'il pensait, lui. C'est ce qu'il avait en tête. Mais il vient d'être surpris. Il va changer de méthodologie. Surpris par qui? Il va changer de méthodologie. Par les Burundais. Il ne les trouve pas comme ça, finalement. Il les trouve autrement. Alors, dans son cas, c'est un atout. Mais ça peut être considéré comme un échec si on regarde la poursuite de la persistance de la crise. Ça va prendre encore du temps. Si ce point, on peut dire, bon, c'est un échec. En fait, je l'ai dit et je le répète, nous, les Burundais, nous ne savons pas ce que nous cherchons en priorité. Quand j'écoute les deux qui sont au gouvernement, au Parlement, mettre la plus grande préoccupation sur les élections. Nous sommes en 2017. Donc, ils ne comprennent pas ce qu'ils cherchent. Ils sont par rapport à la crise que le pays traverse maintenant. Une crise politico-institutionnelle, une crise sécuritaire, une crise économique, une crise sociale. Et que la grande préoccupation maintenant soit tournée vers la révision de la Constitution et les élections de 2020. Vous comprenez que, nous ne connaissons pas ce que nous cherchons en priorité. Priorité, d'abord, nous devons régler les problèmes liés à la crise. Ça, c'est la priorité des Burundais aujourd'hui. Les Burundais ont besoin de voir la paix et la sécurité être rétablies dans son pays. Ils ont besoin de voir, de constater que l'unité et la cohésion, comme il le disait, la solidarité entre le Burundi, il devient une réalité. Nous avons besoin de voir que le Burundi retrouve son image dans le concert des nations. Que l'économie du pays commence à se relever. Qu'on mette le paquet, on est au gouvernement, au parlement, qu'ils mettent le paquet uniquement aux élections de 2020, ça me paraît paradoxal. Si le gouvernement pense comme ça, si vos partis pensent comme ça, si le parlement pense comme ça, le pays est foutu. Mais toi, tiens, en partie. Le pays est foutu. Qui doit combattre. Vous êtes au pouvoir. Vous devriez quand même penser aux préoccupations du peuple burundais et il les a cités. Donc, je dis, ça va nous permettre de faire un examen de conscience et la facilitation aussi. Et Dieu merci, quand même, j'ai cru comprendre que tout le monde aujourd'hui est engagé pour avancer rapidement vers la recherche d'un accord, pour quand même mettre un terme aux souffrances que le peuple endure aujourd'hui. La balle est lancée du côté du représentant du gouvernement dans ce débat. Monsieur Terence Nahira Aja, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Les élections, oui, qu'il sait. Selon ce que Léon Sengendakumana vient de dire. Merci beaucoup. D'abord, il faut qu'on s'attende à l'utilisation de certains concepts. L'honorable Léon a dit ceci, négociation. Il faut savoir que négociation, c'est différent de dialogue. On parle de négociation quand il y a belligérance, c'est-à-dire quand il y a deux parties qui se chamaillent avec des groupes même armés, là, ce sont des négociations. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est le dialogue. Il faut qu'on existe. Au Burundi, aujourd'hui, il n'y a pas de crise politique. Il n'y a que de problèmes sociopolitiques. Crise, vous savez ce que ça signifie. Quand il y a des comme les années 93, et le pays est vivant, le pays fonctionne, tout le monde est au service, en tout cas. C'est un pays, les élections, il y a le gouvernement est là, tout, jusqu'à la commune même, jusqu'à Anyumbakoumi. Quand il y a des politiciens qui sont à l'extérieur, ce n'est pas une crise politique. Quand il n'y a pas, on ne peut pas parler de crise politique. Il n'y a pas de sens à ce langage de lui avec d'autres qui savent. Si on veut venir sur ce débat, je peux montrer comment ils grossissent les choses. En tout cas, c'est plus de 400 000. Les choses, les chiffres de par le RASTR. Laissez-moi faire dévier. D'abord, il n'y a pas de crise politique. Il n'y a que des problèmes sociopolitiques. Ça, c'est la première. C'est la position du gouvernement. Il n'y a pas de problème politique. Problème sociopolitique. Parce que les politiciens ne veulent pas s'entendre. Chacun veut défendre ses intérêts. Ça, il faut être clair. Raison pour laquelle, d'ailleurs, certains ne veulent pas que le dialogue se termine à Bujumbura. Ils veulent encore une fois chercher ce qu'on appelle des gouvernements de transition et autres, comme ils ont déclaré. Alors, deuxième, ce n'est pas fini. Il y a aussi d'autres concepts. Et quand on a parlé... Je ne vous coupe pas la parole. Quand on parle de médiateurs... Le débat n'est pas autour de concepts. Non, mais... je sais pourquoi je le dis. Il y en a qui les ont utilisés. Je vais éclairer l'opinion qui nous écoute. Médiateur est différent de facilitateur. En termes de procédure de dialogue, donc un facilitateur est celui qui est le médiateur. Donc, c'était pour informer celui qui avait dit, qui appelait Mukapa comme médiateur. Médiateur, c'est le président Museveni et l'autre, c'est le facilitateur. Il faut distinguer les choses. Et le facilitateur propose les solutions et le médiateur décide, bien sûr. Après, c'est très entendu. La question était le fait de ne pas avoir abouti à un accord à tout ou entrave pour la suite du dialogue. Non, au niveau du gouvernement, je vous dis que le gros du travail était déjà fait par les Burundais eux-mêmes, n'est-ce pas? Fausté a déjà parlé de certains éléments clés des questions qui entrent la population. Moi aussi, je voudrais les rappeler en paix. Au niveau du dialogue entre les Burundais, on a tout dit. C'est ce qui est sur l'agenda du facilitateur. Il n'y a donc rien de nouveau qui va nous apporter par rapport au rapport qui a été déjà produit par la CNDI, qui a écouté la majorité des Burundais qui sont au pays, même des politiciens qui sont ici. Ils ont parlé de l'amendement du cadre légal, ils en ont parlé. Ils ont parlé des questions socio-économiques, ils en ont parlé. Ils ont parlé des questions des droits de l'homme. Ils en ont parlé. Ils ont parlé des questions relatives, je dirais, au patriotisme. Ils en ont parlé et beaucoup d'autres. Donc, tout est là, mais seulement. Il y a certains politiciens qui ont d'autres objectifs, je ne sais pas. Mais ce qui est à l'agenda Arusha a été même réclamé par le peuple burundais dans le rapport qui est déjà là. C'est pourquoi, en fait, à mon avis, comme l'a dit Léonce, même en une ou deux journées, ça peut se terminer. Même s'il venait ici et rassemblait tout le monde, il n'y aurait pas de problème. C'est pourquoi nous invitons la facilitation à accélérer comme il l'a promis et à pouvoir faire le rapidement possible et venir compléter le rapport de la CNDI pour qu'en fin de compte, nous puissions cheminer vers les élections. Et il y a Léonce qui dit que pourquoi les élections ? Il dit c'est pourquoi quand il n'y a pas élection, c'est la crise politique maintenant. C'est ce qu'ils avaient voulu faire en 2015. Si vous minimisez les élections dans un pays démocratique, il a parlé d'un état de droit. Il parle de priorité. Si vous négligez les élections, on sait quand il n'y a pas d'élections. Mais il parle aussi de l'assainissement du climat politique. On ne peut pas se passer des élections alors que nous sommes dans un pays démocratique. C'est-à-dire, quel que soit l'avancement du dialogue, on doit se préparer nécessairement à ces élections. C'est nécessaire parce que pour avoir un gouvernement légitime et démocratique, un état de droit dont il a parlé. Est-ce que c'est ça la finalité des élections? Mosaïque. Je rappelle à nos auditeurs que l'émission est mosaïque. Nous sommes en train d'échanger avec nos invités sur le rendez-vous manqué de la facilitation à aboutir à un accord à la fin du mois de juin et les perspectives d'avenir après l'annonce de la reprise du dialogue extérieur par la facilitation. Sur ce plateau, nous avons invité Terence Naïra Aja, qui est l'assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur. Nous sommes aussi avec... de la formation patriotique, bien sûr. Nous sommes aussi avec Abel Gachati, qui est président de l'IPRONA. Nous sommes également avec Léon Senghenda Koumana, qui est vice-président du parti Savonia Fodebou, et Faustin Dikoumana, qui est président de l'association PARSEM, qui appelle les Burundais à changer de mentalité. Pour commencer cette deuxième partie, nous écoutons d'abord comment Makocha Tembele, l'assistant du facilitateur Benjamin Mukapa, explique les raisons qui ont poussé la facilitation à ne pas tenir la promesse de juin. Le calendrier avait été fait considérant que les deux parties en conflit auraient déjà été réunies en confrontation. Mais cela n'a pas été fait afin de discuter sur toutes les questions essentielles. C'est pourquoi ce calendrier n'a pas été suivi. On a alors prévu des rencontres au niveau de la médiation dans le but de mettre en évidence toutes les questions qui causent problème. Des consultations se font encore chez le médiateur Yoweri Museveni lui-même. On compte se rencontrer vers la fin de ce mois de juillet. Nous attendons encore pour donner les informations nécessaires. Nous avons espoir que le processus évoluera tout en mettant les efforts ensemble, en essayant de surmonter les défis qui ont été à l'origine de ce retard. Nous sommes confiants qu'ils finiront par s'entendre. Nous appelons les deux parties à penser à l'intérêt du pays au lieu de prioriser l'intérêt personnel. Nous reconnaissons que la plupart d'entre eux sont des hommes politiques. Nous les connaissons, mais notre souhait est que l'intérêt du Burundi soit une priorité. Comme ça, on passera à la phase du développement de nos pays. Vous venez d'écouter l'assistant du facilitateur. Qu'est-ce que la reprise imminente du dialogue extérieur suscite chez vous, M. Léon Senghenda Koumana? Un sentiment d'espoir. Ça suscite un sentiment d'espoir parce que les Burundais commençaient à se décourager en disant que le processus... De dialogue inter-burundais était en panne. Et maintenant qu'on voit qu'on entend qu'il a des tenues, qu'il a déjà détecté là où se trouvent les grands défis. Donc, nous, en ce qui nous concerne, nous considérons qu'il s'agit d'une lueur d'espoir. Est-ce que le parti Savonia Fodebou va répondre présent? Mais bien sûr, le Fodebou n'a pas d'autre voix. Ça sera pour la cinquième fois. D'abord à Kampala, ensuite trois fois à Arusha. Maintenant, ça sera pour la cinquième fois. Donc, nous sommes engagés et déterminés à répondre et contribuer à ce qu'il y ait un accord rapidement. La même question lancée à Abel Gachati, qui est président du parti IPRONA. Qu'est-ce que cette reprise imminente du dialogue extérieur suscite chez vous? Avant de répondre à cette question, je voulais réagir quand même à ce qu'on a dit, qu'il ne faut pas penser aux élections de 2020. Non, qu'il ne faut pas en faire une priorité. Voilà. Par rapport aux je questions pense de l'heure. Que c'est une des priorités. C'est, oui. Si tu es vice-président d'un parti politique, on crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est C'est à partir des élections que cet objectif peut se réaliser. Alors, quand entendre qu'un vice-président d'un parti politique ose dire qu'il ne faut pas songer aux élections de 2020 alors qu'il ne nous reste que 2 ans pour y arriver, cela montre que le risque est grand que le Front Debout ne va pas participer à ces élections. Ça, c'est une parenthèse. Est-ce que l'IPRONA ne veut pas aller aux élections seul, étant donné qu'il y a des présidents des partis politiques qui sont jusqu'ici à l'extérieur du pays? Non, l'IPRONA, c'est un parti organisé. C'est pourquoi d'ailleurs nous demandons au gouvernement, nous prenons que ces gens-là qui se trouvent à l'extérieur du pays, il faut que toutes les conditions soient réunies pour qu'ils rentrent ici au Burundi dans le meilleur délai et surtout se préparer ensemble, mener une compétition sur le terrain et se préparer aux élections de 2020. Le représentant du gouvernement ici dans ce débat, oui. Il dit qu'il faut rapatrier très rapidement le dialogue extérieur, oui. À part que les moyens, ces politiciens qui sont à l'extérieur vont rentrer si on leur refuse de dialoguer à Arusha. Non, je pense que ce que nous allons échanger, ce que nous allons discuter à Arusha, cette question devrait quand même se mettre sur la table des questions à discuter. Comment rapatrier le dialogue qui se déroule à Arusha? Dans ce cas, pour que ce dialogue soit rapatrié au Burundi, il faut qu'il y ait des préalables pour ces gens-là qui s'estiment que leur sécurité n'est pas garantie au Burundi. Donc, ça, c'est une question que nous allons discuter là-bas et surtout éviter un langage allant dans le sens d'empêcher ces gens à rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se trouvent ici à Bujumbura qui disent que rien ne va. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une nette amélioration de la sécurité au Burundi par rapport à ce qu'on voyait en 2015. Oui. Monsieur Terence et Naïra Aja, vous êtes le représentant du gouvernement dans ce débat. Est-ce que le fait de relancer le dialogue extérieur, est-ce que ne serait pas une mauvaise nouvelle pour le gouvernement? C'est plutôt une très bonne chose, surtout qu'on a dit que nous sommes déjà au mois de juillet et il a dit qu'en juillet, coûte que coûte, il doit rassembler les protagonistes. Mais seulement, il y a ce que nous demandons. Primo, comme l'a dit Léos, c'est un sentiment d'espoir que bientôt, quel que soit la petite échec qui s'est glissée au mois de juillet, qu'il va peut-être bientôt clôturer pour compléter le dialogue inter-burundais. Deuxièmement, il y a des conditions que le gouvernement mettre là-bas. 1. Le respect des 2 résolutions 2248 et 2279 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Deuxièmement, le respect de la loi régissant les partis politiques du Burundi parce qu'en février, cela a été violé en créant des présidents des partis politiques qui n'existaient pas. Troisièmement, il faut aussi faire ce que tu pourrais appeler l'inclusivité. N'oublie pas la société civile et les confessions religieuses. Pourquoi? N'oublie pas qu'en 2015, il y a certains responsables de la société civile qui ont pris le devant pour saboter les élections, pour se joindre les mêmes aux putschistes du 13 mai 2015, dont d'ailleurs les associations ont été radiées par le gouvernement burundais. C'est pourquoi si vous faites des négociations et négligez la société civile qui existe et qui est active, c'est aussi négligé. Il faut qu'il maximise les invitations pour la société burundaise qui œuvre et qui est agréée ici au pays, mais également les confessions religieuses, c'est très important. Si ces conditions seront remplies, en tout cas, ça serait une très bonne chose. Au niveau des partis politiques, nous demandons que tout parti politique agréé soit invité. Si on commence à exclure les uns, à inviter les autres, des problèmes, il y en aura tout. Est-ce que pour la reprise de ce dialogue, c'est si vous commencez à poser des conditions, est-ce que ça ne risque pas de toujours traîner? Il y a aussi même un autre souhait de venir. D'amener le dialogue à Bujumbura. Dans votre message, vous avez parlé des présidents des partis politiques qui sont à l'étranger. Combien de présidents des partis politiques sont à l'étranger, d'après vous? Il y a Bamvunyimvira, mais le vice-président est ici, Léo Sengedakumana. Il y a Sindouhije de le parti et suspendu pour avoir violé la loi régissant les partis politiques. Il n'y a que Nyangoma dont le parti ne fonctionne plus même ici sur Terre, mais également il y a pas si c'est CDP ou quoi, il y a un parti qui n'existe presque pas. Et c'est tout. Qu'est-ce que c'est président dont vous parlez? Tout le monde est ici. C'est pourquoi nous invitons que le facilité ramène le dialogue ici pour que tout le monde participe afin de le conclure dans les brefs les meilleurs. Dans les plus brefs délits. Est-ce que si je me rappelle très bien, le parti MSD, aux élections de 2010, il était la troisième force. Est-ce que le fait de radier ce parti de la liste des partis, ce n'est pas d'écarter les concurrents du parti au pouvoir? Qu'il soit troisième, premier ou deuxième, si tu violes la loi, mon cher ami, la loi doit être exécutée pour toute association ou toute confession religieuse qui viole la loi. et doit être appliquée. Donc, on ne regarde pas si c'est le premier, le deuxième ou le troisième. Et tout le monde est égal, devant la loi. Monsieur Terence Nahira Aja, oui. Ce qui est en jeu, c'est la paix, c'est la sécurité de tous les Burundais, de plus de 10 millions de Burundais. Est-ce qu'au niveau... Qui sont d'ailleurs ici et qui ont déjà contribué à travers le dialogue entre les Burundais, là je suis d'accord. Et les doléances, c'est cela dans le rapport de la CNDI. Est-ce que le gouvernement ne peut pas faire des concessions pour arriver à cette paix tant désirée? Il faut respecter la loi burundaise. Mu kiwundi bacu mugani ngo kudahanimbwa ureke ndawuce korora imisega abantu barakoze ivyaha mu Burundi barica abakuru b'ibihugu en français le débat est en français. Merci beaucoup. Au Burundi depuis 61 jusqu'au aujourd'hui il y a eu des coups d'état, des assassinats, des chefs d'état ont été assassinés. C'est dommage. Et jusqu'à maintenant, la justice n'a pas encore tranché. Il faut que cela s'arrête. Est-ce que le gouvernement va répondre au prochain rendez-vous s'il est invité? Merci beaucoup. Je vous dis que les plus de 10 millions ont déjà présenté les doléances dans le rapport. Le dialogue a eu lieu dans tout le pays, 119 communes, 18 provinces. C'est 26 000 qui ont nous été attendons maintenant, comme l'a dit Fausté, la cohésion de ces politiciens qui restent. Ceux qui sont au Burundi ont déjà même donné les contributions dans ce rapport. C'est 26 000 qui ont répondu aux questions de la CNDI. Ce n'est pas 26 000 au niveau communal, 28 400 au niveau provincial. Vous additionnez, vous voyez cet échantillon représentatif, en tout cas scientifiquement, par rapport à cela, c'est plus ou moins acceptable. Et si c'est uniquement les membres du CNDD? Non, c'était les responsables des autres. Oh, merci, vous avez pas déjà. Du tout. Non, vous avez déjà vos contributions. Les CD sont là, il y a eu des débats contradictoires. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y avait les membres du Front. Vous avez déjà donné vos contributions. La à parole. La prochaine de vous apporter le CD pour certains débats qui ont eu lieu. Vous allez demander à la RTNB ou à d'autres médias, ils vont vous donner ça. La parole est à Faustin Dikoumana, qui est président de Parsem. Vous aussi, vous avez écouté Makocha Tembele, qui est l'assistant du facilitateur. Qu'est-ce que ça suscite chez vous en tant que militant des droits de l'homme, qui est de la société civile? Si on dit que ça va reprendre, mm-hmm. nous, c'est une satisfaction. Mm-hmm. Et d'ailleurs, nous disons que tout à l'heure, il y avait un débat, c'est-à-dire entre nos amis hommes politiques ici sur les élections de 2020. Je crois bien que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui comme dialogue, c'est l'aboutissement de la plupart des élections de 2020. Si on parle de constitution et accord d'Arusha, si on analyse les textes pendant le dialogue, il y a des clauses qui permettront à ce que les élections soient bien déroulées. Si on parle des questions de liberté politique aujourd'hui, pour bien permettre à ce que les acteurs politiques arrivent à les militants, ça permettra de bien préparer ces élections. La sécurité, l'économie, ça aussi, je crois bien que vos électeurs, il faut quand même qu'ils aient des conditions de vie améliorées. Mais ce que je dois dire aujourd'hui, les hommes politiques doivent avoir une préoccupation sur ces questions préalables pour des meilleures conditions d'élection. La priorité aujourd'hui, alors, ce n'est pas de chanter élection, c'est de dire qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour que nous arrivions à organiser de bonnes élections qui renforcent la cohésion et la stabilité du pays. Parce qu'entre même les élections 2005-2010, il y a quand même des défis. L'homme politique est appelé à répondre d'abord à ces défis. Je dois dire qu'aujourd'hui, si le gouvernement est là, il y a la priorité de trouver solution aux défis actuels. C'est alors ces dialogues qui sont organisés aujourd'hui sont destinés à trouver des solutions aux défis qui, si une fois on trouve ces solutions, ça ouvre la porte à organiser de bonnes élections. Parce que le Burundi aussi veut des élections non contestées par une partie qui doit garantir. Ce sont des élections organisées dans la transparence totale, où les acteurs politiques peuvent faire la propagande dans toute liberté requise. Je vous donne un exemple. En 1957, vers 1960, la tutelle belge a organisé des élections. Des élections. Et l'issue des élections a prouvé que les partis pro-tutelle avaient gagné les élections. Avec une position que la Belgique continue à diriger le Burundi parce que le Burundi n'était pas prêt à l'indépendance. Et l'ONU a vérifié les conditions de ces élections. Il a dit, vous avez organisé les élections, le prince du Guagasore était en résidence, surveillé. Les pauvres, les canaux, ils avaient fui le pays. Vous avez organisé les élections dans de très mauvaises conditions. Il faut les reprendre. Donc, selon vous, il faut... Donc, il faut les reprendre. L'ONU a décidé de réorganiser ces élections. et la tutelle a résisté, on a dit si vous les avez gagnés, si on réorganise ces élections, il n'y a pas de problème, vous allez les gagner. Donc c'est long. Alors le résultat était contraire. Ça veut dire que si par exemple l'Union n'avait pas décidé à réorganiser les élections, en 1962, on n'aurait pas eu de l'indépendance. C'est qu'il se faut. Ça veut dire que, pour pas dire élections seulement, il faut voir quelles sont les conditions d'organiser des élections pour que quand même la stabilité et la cohésion restent, pour que l'avenir du pays ne soit pas compromis par des élections aussi biaisées, pour que les résultats des élections reflètent la volonté du peuple. Ça, c'est très important. Merci, merci Fossendi Koumana. Nous cheminons vers la fin de ce débat. Alors, quelle est votre contribution en tant que PARCEM et membre de la société civile pour que le dialogue extérieur puisse aboutir à un accord? Bon, nous, d'abord, nous soutenons la facilitation et la médiation. Deux, l'étape à laquelle on se trouve d'avoir déjà identifié les questions qui doivent faire objet de débats, nous nous soutenons parce que nous constatons justement que ce sont ces questions qui constituent le mal pour nous. Votre soutien se matérialise comment? Bon, soutien, c'est civil, et nous avons la voix, nous publions, nous allons participer, peut-être ça, on nous invite là aussi. Nous sommes parmi les leaders d'opinion qui peuvent s'exprimer sur des questions et des fois éclairer l'opinion. Et puis, les histoires de participation, de dire ici, putiste, le détour, ça ne nous intéresse pas. Parce que, ça sont des questions secondaires. Il y a des hommes ici qui peuvent participer dans ces négociations, dans l'opposition et au pouvoir, et aboutir à un accord. Vous souhaitez absolument que ce dialogue extérieur puisse aboutir à un accord? Puisse aboutir immédiatement, donc rapidement, pour que le reste des débats soit débattu ici au Burundi. Parce que nous considérons que l'Arusha, c'est pour avoir une cohésion autour de ces questions essentielles entre acteurs politiques. C'est ça même, c'est cela que nous appelons nous la différence entre le dialogue CNDI et le dialogue entre acteurs politiques. Et c'est possible selon PARCEM? Voilà. Oui, c'est possible. C'est possible. Complémentaire, bien sûr. Mmh. C'est possible. La même question est posée au président du parti IPRONA. Quelle est la contribution de ce parti pour que le dialogue extérieur puisse aboutir à un accord? Merci. Et le parti IPRONA en a déjà contribué. Nous disons à l'IPRONA que ce dialogue, pour qu'il puisse aboutir à un accord, il faut que ce soit d'abord un dialogue franc. Il faut que ce soit un dialogue franc, sincère et inclusif. Et la question est de savoir, est-ce que le parti IPRONA va contribuer pour qu'on aboutisse à cet accord-là? Ah, ce n'est pas l'IPRONA qui ne devrait pas contribuer. L'IPRONA en a déjà contribué depuis longtemps. C'est un parti de dialogue. C'est pourquoi l'IPRONA, il a déjà donné sa contribution. Et même si demain, le dialogue sera relancé, l'IPRONA il va participer et donner sa contribution pour qu'on puisse avancer. Si jamais on a cet accord, est-ce que vous pensez que tous les IPRONistes vont, vont soutenir cet accord? Bien sûr, bien sûr. Si je suis ici aujourd'hui, je représente les IPRONistes. Donc vous embarquez tous les IPRONistes à la recherche d'un accord à Arusha qui pourrait ramener la paix au Burundi? Je pars avec un message, avec une position du parti IPRONA, pas une position du président du parti IPRONA. Si je suis là-bas, je suis mandaté par les organes dirigeants du parti IPRONA. Merci, M. Abel Gachati. La même question à M. Léon Sengedakoumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou. Quelle est la contribution de ce parti pour que le dialogue extérieur puisse aboutir à un accord? Lequel accord pourrait ramener la paix au Burundi? D'abord, je dois donner une précision. Je vois que je diverge un peu avec mes collègues ici. Le combat que mène le Frodebou n'est pas un combat pour les élections. Le Frodebou mène un combat pour l'instauration d'un état de droit. D'un état démocratique où on parle d'élections effectivement, d'une société juste et équitable. Voilà le combat que mène le Frodebou. Ce n'est pas par rapport à 2020. C'est pourquoi nous exigeons à ce que les instruments, les piliers de la paix et de la démocratie, pas les piliers des élections, les piliers de la paix et de la démocratie, qui sont l'accord d'Arusha et la Constitution, soient respectés. C'est pourquoi nous sommes en train d'exiger à ce qu'il y ait un environnement propice, d'abord pour ces négociations. Il faut d'abord un environnement propice pour ces négociations. À écouter les insinuations qui sont distillées ici, il n'est pas évident que le pouvoir réponde au prochain round. Ce n'est pas évident. faut d'abord créer les conditions pour ces négociations elles-mêmes. Alors, dès lors qu'on se sera mis d'accord sur la réaffirmation que l'accord d'Arusha et la constitution sont les fondements de l'unité de la cohésion du peuple burundais, de la paix, de la démocratie, du développement intégré de ce pays, je pense qu'en ce moment, on devra venir ici pour mettre en application les programmes qui vont dans le sens de répondre aux attentes des citoyens. Et le parti Sawanya Fodé, alors, notre contribution, d'abord, ça sera de ne pas poser de conditions préalables. Le Frodebo ne posera aucune condition préalable, ni sur l'agenda, ni sur les participes. On va négocier là-bas, se retrouvera... Dialoguer selon le représentant du gouvernement. C'est la même chose. Nous avons passé avec vous il y a 2 ans ou 3 ans en négociation avec le CNDD-TTD. Là, c'était une négociation. Il y avait des divergences. L'important, c'est qu'on est en cadre où on pose. C'est différent d'aujourd'hui. Hein? C'est différent d'aujourd'hui. Le débat n'est pas là. La contribution du parti, c'est l'important, c'est qu'on parle de négociation, de dialogue, de concertation, même de conversation. Pourvu qu'on est là où on pose la question, on discute et on a des compromis. On a des solutions. C'est ce qui importe. Appelez ça comme vous voulez, moi ça ne me regarde pas. La contribution du parti, nous donnerons dans la première condition, c'est de ne pas amener ces obstacles que le facilitateur a évoqué tout à l'heure. Nous ne poserons aucune condition préalable. Deux, nous avons déjà remis au facilitateur des documents, un document sur la compréhension de ce qui se passe ici, hein, et sur le cheminement du processus de négociation. Je parle bien de négociation. Je sais de ce que je dis. Il le sait parce qu'il veut à notre gouvernement. Nous avons même donné des étapes jusqu'à une phase intermédiaire, élection. Nous avons donné des étapes jusqu'aux élections en 2020, du processus, les composantes. Nous avons même proposé à ce qu'il y ait négociation entre deux parties, deux blocs. Le dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Le dialogue. Entre le gouvernement et ses alliés, et on le trouve partout. Pour l'opposition. Et l'opposition et ses alliés, on y trouve la société civile, on y trouve même des médias. Même des médias. Donc, médias de ça ne sert à rien de négocier à 1000 personnes et à 1000 organisations, deux blocs. Voilà notre contribution que nous allons proposer. Et en ce moment-là, si le pouvoir est de bonne foi, à la bonne volonté, on n'a pas beaucoup de choses à négocier parce que nous avons des acquis, je le répète. L'accord d'Arusha, la constitution et ces programmes-là, tous ces programmes que j'ai évoqués. Donc, on devrait négocier comment mettre un terme à la crise générée, à la crise consécutive relative au troisième mandat de 2014-2015. Donc, vous allez... De cette façon, on ferait moins de temps et venir en fait poursuivre le processus de mise en œuvre de l'accord d'Arusha jusqu'à une société stable. Le parti Sawanya Frodebu est déterminé à ce que le dialogue extérieur arrive à un accord. À un accord. En fait, on va rapatrier un accord qu'on va mettre en application ici. Un accord, pas n'importe lequel, un accord qui va apporter la paix au Burundi. Mais bien sûr. Si, ça serait quel type d'accord. La même question. Un accord uniquement pour les élections, comme ça, pour dire, bon, peu importe comment on organise les élections, on y va. Non. Le Frodebo n'adhérera pas à cela. Contrairement à ce qu'il pense, s'ils amènent un accord comme ça pour. Qui ? Le pouvoir. S'ils amènent un accord comme ça, pour uniquement pour dire bon, on va pour préparer et organiser les élections aveuglément. Le Frodebo n'en fera pas partie. Très brièvement, M. Nhaïla Aja, représentant du gouvernement dans ce débat, quelle est la contribution du gouvernement burundais pour que le dialogue extérieur puisse aboutir à un accord, lequel accord pourrait conduire le pays vers la paix? Merci beaucoup. J'invite les hommes politiques burundais. Vous invitez les autres, évoluer. Mais la question était de savoir quel est le gouvernement. C'est la contribution. Pour aboutir à un accord. C'est ça, c'est ça ce que le gouvernement demande, c'est ça. Non, ça c'est des conditions que le gouvernement pose. Non. Et si cette condition n'était pas remplie, si quelques-unes de ces conditions n'étaient pas remplies, le gouvernement ne répondra pas. Répondez à ma question. Le gouvernement a déjà donné une grande partie de l'accord. C'est le rapport du dialogue inter-burundi. Écoutez, le gros du résultat du dialogue est déjà là. Il reste, comme l'a dit Fausté, la cohésion des politiciens qui viendra compléter ici le rapport de 10 millions de Burundais qui sont déjà là afin de pouvoir continuer le processus. Quelle est la contribution alors du gouvernement? La contribution a été déjà faite. Le gouvernement a mis en place une commission nationale du dialogue entre les Burundais. Le travail a été fait. Le gouvernement a débloqué des milliards pour que le travail soit été fait. Il y a déjà un rapport. Donc, avec tous les éléments qui figurent même ici. Ça, c'est le dialogue encore une fois. Mais c'est le gouvernement qui a décidé cela, mais il y a une commission. Mais c'est déjà un fruit. Il y a des gens qui pensent qu'il y aura un accord unique qui va multiplier par zéro. À vous entendre, toutes les doléances de plus de 10 millions de Burundais, c'est impossible. À vous entendre, ça, vous ne reconnaissez pas le dialogue extérieur. Nous le reconnaissons. Nous attendons justement la contribution de Léon, ce qu'il veut donner à l'étranger, mais qui finalement reviendra ici pour commenter son rapport. Mais où est la contribution? Le gouvernement a déjà contribué parce que le résultat est déjà là. Il a laissé les Burundais dialoguer. Propos des doléances, qu'est-ce qu'il faut faire? Le tout est déjà là. Nous attendons la contribution de doléances qu'il a donné au facteur pour que les gens les complètent et c'est tout. Mais dans la suite du travail, respectez les conditions dont je vous ai parlé. Merci. C'est sur cette position de M. Terence Naïra Jacques, qui est porte-parole du ministère de l'Intérieur, que nous bouclons cette émission, à qui d'ailleurs nous disons merci. Merci, messieurs les journalistes. Merci à mes chers collègues et à nos chers auditeurs qui nous ont écoutés. Nous disons également merci à Faustin Dikoumana, qui est président de l'association Parsem. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités. Nous disons également merci à Beriga Chati, qui est président du parti Iprona. Merci d'être venu. Merci. Merci aussi à Léonce Ngendakoumana, qui est vice-président du parti Sawanya Fodebou. Merci d'être venu, messieurs. Merci, mais je dois dire que je viens d'être surpris. Non, soyez à l'aise, honorable. Par la vos fin, vidéos qui sont chez vous viendront compléter le rapport. Ne vous en faites pas, honorable. Le gouvernement a déjà contribué. Le débat est terminé. Le débat. S'il vous plaît, le débat est terminé. L'émission a été présentée par Joseph Sabiabandi, à la réalisation Didier Niozima. Et la mise en onde était assurée par Toussaint Mitebussi. Tous ensemble, nous vous disons merci. Mosaïque.